Chapitre 9. Passage en Pologne. J'arrivai dans les premiers jours de juillet au chef-lieu du cercle dont dépend Landshut. Ma voiture s'arrêta devant la poste et mon fils alla comme à l'ordinaire faire viser mon passeport. Au bout d'un quart d'heure, je m'étonnai de ne pas le revoir et je priai M. Schlegel d'aller savoir à quoi tenait ce retard. Tous les deux revinrent, suivis d'un homme dont je n'oublierai de ma vie la figure. Un sourire gracieux sur des traits stupides donnait à sa physionomie l'expression la plus désagréable. Mon fils, hors de lui, m'apprit que le capitaine du cercle lui avait déclaré que je ne pouvais rester plus de 8 heures à Landshut, et que, pour s'assurer de mon obéissance à cet ordre, un des commissaires me suivrait jusqu'au château, y entrerait avec moi, et ne me quitterait qu'après que j'en serais parti. Mon fils avait représenté à ce capitaine qu'abîmé de fatigue comme je l'étais, j'avais besoin de plus de 8 heures pour me reposer, et que la vue d'un commissaire de police dans mon état de souffrance pourrait me causer un ébranlement très funeste. Le capitaine lui avait répondu avec une brutalité qu'on ne saurait rencontrer que chez les subalternes allemands. L'on ne rencontre aussi que là ce respect obséquieux pour le pouvoir, qui succède immédiatement à l'arrogance envers les faibles. Les mouvements de l'âme de ces hommes ressemblent aux évolutions d'un jour de parade. Elle fait demi-tour à droite et demi-tour à gauche, selon l'ordre qu'on leur donne. Le commissaire chargé de me surveiller se fatiguait donc en révérence jusqu'à terre, mais il ne voulait modifier en rien sa consigne. Il monta dans une calèche dont les chevaux touchaient les roues de derrière de ma berline. L'idée d'arriver ainsi chez un ancien ami, dans un lieu de délices où je me faisais une fête de passer quelques jours, cette idée me fit un mal que je ne pus surmonter. Il s'y joignit aussi, je crois, l'irritation de sentir derrière moi cet insolent espion, bien facile à tromper assurément si l'on en avait eu l'envie, mais qui faisait son métier avec un insupportable mélange de pédanterie et de rigueur. Note. Pour expliquer combien étaient vives et justement fondées les angoisses qu'éprouvait ma mère dans ce voyage, je dois dire que l'attention de la police autrichienne n'était pas dirigée sur elle seule. Le signalement de M. Rocca avait été envoyé sur toute la route avec ordre de l'arrêter en qualité d'officier français. Et quoi qu'il eût donné sa démission, quoique ses blessures le missent hors d'état de continuer son service militaire, nul doute que s'il avait été livré à la France, on ne l'eût traité avec la dernière rigueur. Il avait donc voyagé seul et sous un nom supposé, et c'est à Landshut qu'il avait donné rendez-vous à ma mère. Y étant arrivé avant elle, et ne soupçonnant pas qu'elle pût être escortée par un commissaire de police, il venait à sa rencontre plein de joie et de confiance. Le danger auquel il s'exposait, sans le savoir, glaça de terreur ma mère, qui eut à peine le temps de lui faire signe de retourner sur ses pas. Et sans la généreuse présence d'esprit d'un gentilhomme polonais, qui fournit à M. Rocca les moyens de s'échapper, il eut infailliblement été reconnu et arrêté par le commissaire. Ignorant quel pourrait être le sort de son manuscrit et dans quelles circonstances publiques ou privées elle pourrait le faire paraître, ma mère a cru devoir supprimer ces détails qu'il m'est aujourd'hui permis de faire connaître. Note de M. de Staël, fils. Je pris une attaque de nerfs au milieu de la route et l'on fut obligé de me descendre de ma voiture et de me coucher sur le bord du fossé. Ce misérable commissaire imagina que c'était le cas d'avoir pitié de moi et il envoya, sans sortir lui-même de sa voiture, son domestique pour me chercher un verre d'eau. Je ne puis dire la colère que j'éprouvais contre moi-même de la faiblesse de mes nerfs. La compassion de cet homme était une dernière offense que j'aurais voulu du moins m'épargner. Il repartit en même temps de ma voiture et j'entrai avec lui dans la cour du château de Landshut. Le prince Henri, qui ne se doutait de rien de pareil, vint au-devant de moi avec la gaieté la plus aimable. Il fut d'abord effrayé de ma pâleur et je lui appris tout de suite quel hôte singulier j'amenais avec moi. Dès lors, son sang-froid, sa fermeté et son amitié pour moi ne se démentirent pas un instant. Mais conçoit-on un ordre de choses dans lequel un commissaire de police s'établisse à la table d'un grand seigneur, tel que le prince Henri, ou plutôt à celle de qui que ce soit, sans son consentement? Après le souper, ce commissaire s'approcha de mon fils et lui dit, avec ce son de voix mielleux que j'ai particulièrement en aversion, quand ils servent à dire des paroles blessantes, « Je devrais, d'après mes ordres, passer la nuit dans la chambre de madame votre mère, afin de m'assurer qu'elle n'a de conférence avec personne, mais je n'en ferai rien par égard pour elle. » Vous pouvez ajouter aussi par égard pour vous, répondit mon fils. Car si vous mettez de nuit le pied dans la chambre de ma mère, je vous jetterai par la fenêtre. Ah, monsieur le baron, répondit le commissaire en se courbant plus bas qu'à l'ordinaire, parce que cette menace avait un faux air de puissance qui ne laissait pas de le toucher. Il alla se coucher et le lendemain à déjeuner, le secrétaire du prince s'en empara si bien en lui donnant à manger et à boire que j'aurais pu, je crois, rester quelques heures de plus. Mais j'étais honteuse d'attirer une telle scène chez mon aimable hôte. Je ne me donnais pas le temps de voir ces beaux jardins qui rappellent le climat du Midi dont ils offrent les productions, ni cette maison qui a été l'asile des émigrés français persécutés et où les artistes ont envoyé les tributs de leurs talents en retour de tous les services que leur avait rendus la dame du château. Le contraste de ces douces et brillantes impressions avec la douleur et l'indignation que j'éprouvais était intolérable. Le souvenir de Landshut, que j'ai tant de raisons d'aimer, me fait frissonner quand il se retrace à moi. Je m'éloignai donc de cette demeure en versant des larmes amères, et ne sachant pas ce qui m'était réservé pendant les 50 lieues que j'avais encore à parcourir sur le territoire autrichien. Le commissaire me conduisit jusqu'aux confins de son cercle, et, quand il me quitta, il me demanda si j'étais contente de lui. La bêtise de cet homme désarma mon ressentiment. Ce qu'il y a de particulier à toutes ces persécutions, qui n'étaient point jadis dans le caractère du gouvernement autrichien, c'est qu'elles sont exécutées par ses agents avec autant de rudesse que de gaucherie. Ces ci-devant honnêtes gens portent, dans les vilaines choses qu'on exige d'eux, l'exactitude scrupuleuse qu'ils mettaient dans les bonnes, et leur esprit borné dans cette nouvelle manière de gouverner, qui ne leur était point connue, leur faisait faire sans sottise, soit par maladresse, soit par grossièreté. Ils prennent la massue d'Hercule pour tuer une mouche, et pendant cet inutile effort, les choses les plus importantes pourraient leur échapper. En sortant du cercle de Landshut, je rencontrai encore jusqu'à Léopold, capitale de la Galicie, des grenadiers qui étaient placés de poste en poste pour s'assurer de ma marche. J'aurais eu regret au temps qu'on faisait perdre à ces braves gens si je n'avais pensé qu'il valait encore mieux qu'ils fussent là, qu'à la malheureuse armée que l'Autriche livrait à Napoléon. Arrivé à Léopold, j'y retrouvai l'ancienne Autriche dans le gouverneur et le commandant de la province, qui me reçurent tous les deux avec une politesse parfaite et me donnèrent ce que je souhaitais avant tout, un ordre pour passer d'Autriche en Russie. Telle fut la fin de mon séjour dans cette monarchie que j'avais vue puissante, juste et probe. Son alliance avec Napoléon, tant qu'elle a duré, l'a réduite au dernier rang parmi les nations. L'histoire n'oubliera point, sans doute, qu'elle s'est montrée très belliqueuse dans ses longues guerres contre la France, et que son dernier effort pour résister à Bonaparte fut inspiré par un enthousiasme national très digne d'éloge. Mais le souverain de ce pays, cédant à ses conseillers plus qu'à son propre caractère, a détruit tout à fait cet enthousiasme en arrêtant son essor. Les malheureux qui ont péri dans les champs d'Essling et de Wagram, pour qu'il y eût encore une monarchie autrichienne et un peuple allemand, ne s'attendaient guère que leurs compagnons d'armes se battraient 3 ans après pour que l'empire de Bonaparte s'étendît jusqu'aux frontières de l'Asie, et qu'il n'y eût pas, dans l'Europe entière, même un désert où les proscrits, depuis les rois jusqu'aux sujets, puissent trouver un asile. Car tel est le but et l'unique but de la guerre de la France contre la Russie.